elle veut partir du quartier, c'est ta nanana. Elle aime faire la mala, c'est ta nanana. Elle aime le bruit du boom, c'est ta nanana. Fais ta mala la la la, c'est ta nanana. Elle veut partir du quartier, c'est ta nanana. Elle aime faire la mala, c'est ta nanana. Elle aime le bruit du boom, c'est ta nanana. Fais ta mala la la la, c'est ta nanana. Fais ta folle dans la fête à bar, qui me dit ça à gauche, la croise au bar. Petite brunette, on regarde mieux le mamafika, elle veut qu'on part du quartier. Elle aime te voir gérer la détail, la menacer. Elle aime te voir un merco faire une détracée. Si ta nananana, elle aime trop la Honda. Elle aime le bruit du vroom, faire sa malala. Moi j'ai pas le temps, j'dois tracer, y'en aura jamais assez. F430 obligé de se faire flasher. Zéro caisse et ketama, quand tu mènes des égales d'ailleurs. Mets les pochons dans la banana, viens nous voir, nous on est là. Ce soir c'est la coquette, j'aime la voir en pyjama. Mon pote il roule de pète, imagine vers Tijuana. J'suis andalé, j'ai le flow albanais. Ce soir j'veux profiter, j'pourrais prendre des années. Panamera, ce soir j'veux m'balader. J'fais des sons qui bougent, des gaines de cramé. Cigare Havana, j'me pose au check. Machetana, ce soir j'vais t'ambiancer. Cigare Havana, j'me pose au check. Machetana, ce soir j'vais t'ambiancer. Elle veut partir du quartier, c'est ta nanana. Elle aime faire la mala, c'est ta nanana. Elle aime le bruit du boom, c'est ta nanana. Fais ta mala la la la, c'est ta nanana. Elle veut partir du quartier, c'est ta nanana. Elle aime faire la mala, c'est ta nanana. Elle aime le bruit du boom, c'est ta nanana. Fais ta mala la la la, c'est ta nanana. Coup de boulette à la manana, tu fais le voyou, tu fais non verra. Elle fait cracher ta moula, tu dois des trous, tu fais non verra. Quand t'es bloqué, non, je vais pas hésiter. À deux d'autres quitter la cité, je m'en balais de ton gros boule, pas c'est béni de carte fidélité. J'ai les couilles à Django, elle danse le tango. Elle t'a fait tourner la tête et les trambos. J'me la perds de Fendi, le boule à Wendy. Elle veut bloquer avec mon midi minuit. Elle veut la moule à Simba, se rapprocher de la Honda. Zerma, zerma, zerma, tu fais le mec qui compte pas. Elle veut la moule à Simba, se rapprocher de la Honda. Zerma, zerma, zerma, tu fais le mec qui compte pas. Cigare Havana, j'me pose au check. Machitana, ce soir j'vais t'ambiancer. Cigare Havana, j'me pose au check. Machitana, ce soir j'vais t'ambiancer. Elle veut partir du quartier, c'est ta nanana. Elle aime faire la mala, c'est ta nanana. Elle aime le bruit du boom, c'est ta nanana.